Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Fermez les yeux pour mieux ouvrir ses oreilles. Bonjour tout le monde. Merci de votre fidélité. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce jeudi 24 septembre. Aux alentours de 6h20, je recevrai Zoé Valdès. On parlera de Dora Maar, de Picasso et de son dernier roman qui parle justement de ce couple et qui parle surtout de la femme sans l'homme. La femme qui pleure, c'est édité chez Artaud. Mais tout d'abord, notre tête chercheuse, Éric Orsena, depuis lundi, nous raconte la vie et l'œuvre de Louis Pasteur. Bonjour Éric Orsena. Bonjour et bonjour à Zoé Valdès, parce qu'il se trouve que je la connais bien et que c'est une sorte de cousine cubaine, puisque je descends durant tout le 19e siècle du côté de mon père de Cubain. Voilà, et de l'autre côté c'est breton. Et voilà, il y a la Bretagne, et puis il y a le Val-de-Loire, et puis il y a le Luxembourg, et puis enfin beaucoup, ça s'est pas mal mélangé là. On rappelle pourquoi vous vous êtes intéressé à Louis Pasteur, c'est parce qu'aujourd'hui à l'Académie, vous occupez le poste qu'a occupé Louis Pasteur. Et aussi parce que j'ai passé les 15 premières années de ma vie dans le 15e arrondissement de Paris, exactement au coin du boulevard Pasteur et de la rue de Vaugirard. Louis Pasteur, l'extraordinaire explorateur de la vie par Éric Orsena. Aujourd'hui, 4e et dernier épisode, Maître Pasteur et ses collaborateurs. Mais si on parlait, Éric Orsena, de la méthode Pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une méthode Pasteur? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Alors, c'est une méthode très particulière. D'abord, c'est une méthode interdisciplinaire. C'est-à-dire, c'est extraordinairement moderne. Avant, les champs de savoir étaient séparés. C'est-à-dire, les médecins ne supportaient pas que quelqu'un d'autre qu'un médecin s'intéresse à la santé. Par exemple, un chimiste. Absolument. Voilà. Les chimistes restaient dans la chimie, etc. etc. Et d'ailleurs, les médecins détestaient Pasteur. Et ils appelaient Pasteur, pendant longtemps, chimiatre. À la fin, il a été élu à l'Académie française, mais aussi à l'Académie de médecine, mais à une très faible majorité. Et donc, il détestait ça. Et ce qui se passe avec Pasteur, et ça, c'est passionnant, pour trouver la résolution d'un problème, d'abord, il regarde. Ensuite, il va sur le terrain. Ensuite, il convoque toute la littérature, c'est-à-dire tous les prédécesseurs. Et ensuite, il fait la synthèse. Ce qui fait que souvent on a pu dire que ce n'est pas lui qui a trouvé. Oui, mais c'est lui qui a convoqué à un moment donné tout le savoir et qui en a dit « tiens, pourquoi pas ». Et enfin, c'est un formidable expérimentateur. Par exemple, il invente des bocaux à colle de cygne pour bien montrer qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et que s'il n'y a pas de contact avec la poussière, donc avec les particules, une solution peut rester limpide pendant très très longtemps. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses en même temps. Parce que c'est toujours très concret, c'est toujours le terrain, et c'est toujours en dialogue. Et dernier point de sa méthode, c'est une méthode de travail en commun, c'est-à-dire c'est l'équipe. Il n'est pas seul, c'est lui le patron, mais il n'est pas seul. Alors c'est lui le patron parce que de temps en temps ça chauffe, de temps en temps il remarque ça et là sur la paillasse, c'est-à-dire sur l'endroit où on travaille dans les laboratoires, il remarque qu'un de ses collaborateurs a trouvé quelque chose, alors hop, il lui pique, ce qui s'est passé avec Émile Roux. C'est sans doute Émile Roux qui avait eu l'idée de prendre des morceaux de moelle de lapin et de les dessécher et pour atténuer la virulence du virus de la rage. Est-ce bien honnête que de piquer le travail de ce collaborateur non, et de, oui. Non, c'est pas honnête, mais en même temps, c'est l'ensemble. Donc c'est l'ensemble. Vous savez, il y a dans les équipages, bateau, c'est y a un patron et puis c'est lui, alors que c'est l'autre qui a eu l'idée à un moment donné de virer au bon moment ou de changer de voile. Donc il est là comme ça. Alors donc c'est quelqu'un d'extraordinairement autoritaire, bien sûr, qui demande un travail, c'est-à-dire être dédié complètement jour et nuit, vacances comprises, à ce grand œuvre. Et en même temps, personne ne quittera, personne, même pas Émile Roux, qui avait pourtant des raisons de le faire, personne. Et il accueillera des savants du monde entier. Donc le prix Nobel est créé juste après sa mort et il y aura 12-13 prix Nobel. Et donc tout ça va continuer. Et continuer de la même manière. C'est ça qui est frappant. Et l'autre méthode, enfin, vous voyez qu'il y a beaucoup de méthodes, c'est que il a une vision assez globale de la science. C'est-à-dire, il faut de la science fondamentale, mais en même temps, il faut de la science appliquée. Et quand il arrive recteur de l'Université de Lille, qu'on a créé pour lui, parce que l'empereur Napoléon III l'aimait bien, et donc, on lui confie ça. Et immédiatement, il va dans les usines. Immédiatement, il va dans les brasseries pour regarder ce qui se passe. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu un chercheur de ce niveau quitter son laboratoire pour aller sur place, dans les cuves, voir comment ça se passe. Aller dans les laiteries. Aller voir les viticulteurs, voir un peu comment ça se passe. Pourquoi le vin commence à se piquer. Et donc, il y va aussi. Donc, et dernier un savant de terrain et pas de laboratoire. Non, de terrain, de laboratoire, mais aussi de terrain. Et aussi, quand il aura besoin, à un moment donné, de créer une institution. Parce que son traitement de la rage a un tel succès qu'on vient du monde entier pour se faire soigner, c'est plus possible. C'est un petit laboratoire de recherche, c'est pas un laboratoire de soins. Donc il décide de créer l'Institut Pasteur. Du monde entier viennent des souscriptions uniquement privées. Alors il y a des petites gens, et puis il y a le tsar, et puis il y a l'empereur du Brésil, et tout ça. Ils viennent ensemble. Donc vous voyez, dans l'interdisciplinarité, dans le travail d'équipe, dans le travail de terrain, dans la relation entre le fondamental et l'appliqué, dans la relation avec les industriels et dans le privé-public, c'est très très passionnant. C'est en dehors de la question proprement scientifique, dans la méthode qui permet l'innovation scientifique, c'est passionnant. C'est pour ça que sa méthode, qu'il crée dès 1888, quand ouvre l'Institut Pasteur, eh bien, ça continue aujourd'hui, montrer à quel point c'était pertinent. Donc, c'est en même temps un créateur d'instituts. Et l'institut qui est toujours là, 135 ans après, avec 5000 chercheurs. Avec le même statut, c'est toujours privé. Oui, c'est privé, avec des subventions de différents. Mais les gens viennent comme ça. Et donc, j'ai l'honneur, là, bientôt, de participer à quelques lancers de fonds. Par exemple, pour acheter un des plus puissants microscopes du monde, qui s'appelle Titan, et qui va permettre d'aller très, très loin dans la structure de la matière. Et dans le monde entier, c'est là. Et par exemple, vous voyez, il y a 5000 chercheurs dans le monde. Il y a les prix Nobel qui se succèdent. Le dernier en titre, c'est Françoise Barré-Sinoussi, la vraie, celle qui a vraiment découvert le virus du sida. Et quand des épidémies arrivent, soit la dengue, par exemple, et plus directement Ebola, il y a une dizaine d'institutions dans le monde qui sont en premier rang, dont l'Institut Pasteur. Et ce qui est intéressant dans l'Institut Pasteur, c'est à la fois un institut de recherche, un institut où on soigne et un institut où on transmet le savoir. Et c'est ça aussi, c'est ça la méthode Pasteur. C'est qu'on cherchait, on soignait, on transmettait. Comment il était en tant que passeur, Pasteur, Éric Orsenna? Il est d'une clarté incroyable parce que à cette époque, il y a une culture littéraire qui est liée à une culture scientifique. Ce qui me ferait rêver, mais j'ai aucune chance d'être entendu, bien sûr, d'avoir un seul bac qui soit à la fois littéraire et scientifique. Qu'après, on cherche des spécialisations. Je ne crois pas une seconde qu'avant 17 ans, on ait l'esprit littéraire ou scientifique. Donc voilà, j'ai sûrement tort, mais enfin, mon rêve serait là, parce que c'est ça l'affaire. Donc voilà, il avance sur une sorte de socle, donc il transmet parce qu'il est clair, et sa langue est magnifique. C'est-à-dire, son discours d'entrée à l'académie est formidable, mais comme il est sans arrêt sur la brèche. Donc il est obligé de s'expliquer tout le temps, il n'est pas seul en train de chercher, parce qu'il est dans le monde comme ça, et alors avec des shows. Imaginez qu'on lui rend hommage tout le temps, ou alors il se frite, il y a des duels. Donc avec un prof de Rouen qui conteste sa vision sur la génération spontanée, on organise un show dans le grand amphi de la Sorbonne. Il y a 2000 personnes, tout Paris vient assister comme au théâtre. Et il y a Pasteur avec son contradicteur, et puis ils font des expériences devant 2000 personnes. Donc la science, c'est le show en même temps. Donc le 19e siècle n'est pas seulement le siècle où on pense qu'à bouffer et puis à accumuler de l'argent, c'est aussi un siècle passionné de savoir. C'est-à-dire, brutalement, la grande opacité se déchire et on commence à comprendre des mécanismes clés de la vie et de la structure de la matière. Parce que c'est le grand moment de la chimie et de la physique. Louis Pasteur, on connaît ses exploits, bien sûr, les défis relevés, vaincre la rage. Mais est-ce que il y a eu aussi des ratages? Il a eu d'abord de la chance. La chance, parce que ça aurait très bien pu mal se passer avec le petit Joseph Meister. Bien sûr, ça aurait pu se passer. Et puis, il met extrêmement longtemps à régler la question du ver à soie, tout à fait au début de sa carrière. Parce qu'en fait, il y a deux maladies. Il n'arrive pas à les distinguer tout de suite. Donc, il met très, très longtemps. Donc, on voit les succès parce que, évidemment, avec le temps, avec la force, avec tous ces gens qui arrivent, évidemment, on voit les succès. Mais je dirais que la mort de ces trois filles sont les trois échecs les plus terribles. C'est-à-dire la typhoïde, c'était trop tôt pour pouvoir lutter contre la typhoïde. Puis le cancer du foie, bien sûr. Donc on voit sa faiblesse là, magnifique, je dirais bouleversante. Quelle est la place de Pasteur dans la société française de cette époque-là? Parce que j'ai cru relever quand même un autre point commun avec son contemporain et grand ennemi Victor Hugo, c'est que quand même il a vécu la gloire. Il a pu vivre ce moment où des rues vont porter son nom, comme Victor Hugo. Ils n'étaient pas très nombreux à l'époque. C'est la gloire absolue, c'est la gloire, c'est les funérailles nationales. Il y a des gens qui ont... comparer le nombre de gens, le nombre de la population parisienne qui ont assisté aux obsèques, c'est le tombeau, c'est la gloire absolue. Mais avant la mort, avant 1895, comment il vivait cela, Pasteur ? Avec gourmandise. C'est-à-dire qu'il... Avec, il cherchait ça, avec gourmandise. Il y a une lettre que mais je cite. Il n'était pas mondain. Hein. Non, il courait pas les mondanités. Oui, mais enfin, quand même, amis. Quand à la cour, quand Napoléon III l'invite à la cour de Compiègne, il est très, très ravi. Pourquoi? Parce que c'est... D'abord, il aime les honneurs. Il aime follement les honneurs. Follement, vraiment. Et puis, c'est la suite de l'héritage de son père. Ah, si mon père me voyait. Ah, si Joseph pouvait me voir. Quand je pense là que je serre la main à Napoléon III, que Napoléon III me demande des nouvelles de mes expériences. Donc, ah si, Joseph pouvait me voir. Il y a ce lien toujours. Il y aura la figure, encore une fois, ambitieuse et tendre de son père qui est là. La tendresse de son père. Franchement, si je devais un jour faire un livre sur les bons pères, et pas les jésuites, les pères bons... Le Joseph Pasteur est un des personnages qui m'a le plus bouleversé parce qu'il donne tout. C'était vraiment, il avait été un soldat de base, puis il avait été tanneur, donc il avait rien appris. Et petit à petit, il apprend. Et Louis Pasteur dit de lui, c'est l'exemple même de celui qui n'a pas eu un destin à la hauteur de son caractère. Est-ce que vous avez trouvé quelques bons livres dans la bibliothèque de Pasteur, quelques bons livres passionnants? Étrange, puisque en dehors de son domaine scientifique. La science, passionné par les biographies. Passionné par. De la même manière, au fond, il finit sa vie en se faisant lire des biographies. De la même manière qu'il a commencé sa vie en dessinant des visages. Donc c'est la vie quand même. Merci beaucoup, Éric Orsenna, d'être ce passeur incroyable pour nous raconter à votre manière la vie, l'œuvre de Louis Pasteur, d'abord dans un livre édité par Fayard, La vie, la mort, la vie, et puis aussi par cette série inédite sur France Culture qu'on peut réécouter dans son intégralité en passant par le podcast ou l'écoute en ligne à votre disposition sur franceculture.fr. Merci beaucoup, Éric Orsenna. Vous voyez que un autre jour est possible. Ben oui. Demain, Éric Orsenna, juste un mot, demain, juste avant de céder votre place à Zoé Valdès, demain, journée spéciale sur France Culture consacrée aux réfugiés, on voudrait bien entendre le commentaire d'un académicien. Que faire aujourd'hui? Comment ressentez-vous ce qui se passe aujourd'hui, Éric Orsenna? Je ressens c'est l'image du monde à venir. C'est-à-dire que les frontières ne vont pas tenir. C'est-à-dire que c'est un monde figé qui laisse la place à un monde mouvant. Il va y avoir, en dehors de ces réfugiés politiques, il va y avoir d'autres réfugiés économiques. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur le Sahel et que je vois que le Niger, le Mali ne vont pas bien pour toutes sortes de raisons, notamment de désespoir, avec des pressions démographiques terribles, que, comme toujours, le désespoir engendre toujours plus d'enfants, toujours dépourvus d'espoir, toujours plus dépourvus d'espoir, et qu'il va y avoir en même temps des réfugiés climatiques. Donc, les hommes et les femmes vont aller, venir, pour essayer de trouver des refuges. Donc, ceux qui pensent, à l'image de la ligne Maginot, qu'on peut se calfeutrer chez soi, ils ont pas compris qu'ils se trompaient complètement d'univers. Merci beaucoup, Éric Orsenna. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinqueux, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Un autre jour est possible par Toufik Hakem tous les matins sur France Culture. Dora Maar était déjà connue comme photographe et peintre quand elle rencontre Pablo Picasso. À ses côtés, elle sera l'amante, la muse et pour toujours, la femme qui pleure. Le roman de mon invité imagine 8 jours dans la vie de Dora Maar, à Venise, quelques années après sa rupture avec Picasso. Accompagnée de 2 amis, un couple de 2 hommes, écrivains, elle va se rendre compte à quel point elle est prisonnière de son image, de ses incarnations du moins. C'est un roman sur les ruptures amoureuses, sur la solitude, sur l'amour aussi, l'amour que vous portez à Dora Maar. Bonjour Zoé Valdès. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin pour parler donc de votre dernier roman édité par Artaud, La femme qui pleure, le roman d'une passion défunte entre Dora et Pablo. Mais avant de glisser dans la peau de Dora Maar, avant de vous intéresser à sa vie, vous connaissiez bien sûr le travail de la femme artiste. Est-ce son œuvre qui vous a fait connaître cette femme, ou plutôt son histoire, qui est effectivement tout un roman avec Picasso? Bien sûr, c'est son œuvre qui m'a fait connaître la femme, l'artiste d'abord, et puis ensuite je me suis intéressée dans sa vie et son histoire d'amour avec Picasso, mais c'est surtout ses photographies surréalistes et ses photographies aussi sur les paysages de Paris qui sont extraordinaires. Parce qu'il y a le vide aussi dans ces paysages. Déjà, il y a une espèce de vide psychologique très importante. Et puis, évidemment, c'est cet amour qu'elle a eu pour Picasso. Mais c'est plutôt le portrait d'une muse abandonnée que vous dressez dans votre roman, Zoé Valdez. Vous aurez pu faire revivre les belles années de Dora Maar quand elle était effectivement photographe, puisque quand même elle est le témoin d'un début du siècle qui affronte toutes les crises. Je pense notamment à ce qu'elle a fait aux États-Unis quand elle est allée photographier les Américains après le crash boursier de 1929. Oui. Nous faire aimer aussi ce qu'elle a fait en tant qu'artiste. Mais vous, Zoé Valdez, s'il fallait résumer la Dora Maar d'avant sa rencontre avec Pablo Picasso, puisque dans votre roman, on sent bien que la rencontre avec Picasso va sonner le glas à une carrière qui gagnerait à être connue. Oui. Moi, ce que je voulais raconter, c'était une histoire d'abandon au milieu de deux artistes. C'est-à-dire dans la vie de deux artistes, un qui est l'artiste du siècle, évidemment Pablo Picasso, et puis elle qui était très connue déjà, mais en même temps qui était au moment de sa vie avec Picasso, était un peu oubliée, malheureusement. Et comment vous avez découvert son œuvre avant de vous intéresser à sa vie? C'était un catalogue que j'ai rencontré à Cuba. On m'a prêté un catalogue et j'ai vu des photos d'elle et j'étais émerveillée. Des photos de quoi? Des photos de modèles, de Asia, de tous ces modèles qu'elle a photographiés, des peintres. Ça m'a touché. C'était photographies surréalistes, évidemment. Et que j'essaye de raconter dans les romans avec mes mots. Et c'est des filles surréalistes, surtout. Qu'est-ce qui est le plus entraînant dans l'écriture, Zoé Valdez? Raconter des œuvres d'art qui existent, qu'on peut voir, qu'on peut rencontrer, ou imaginer ce qu'a été la vie de cette femme une fois que Picasso n'est plus avec elle, et une fois qu'elle essaye de reconquérir une vie, une notoriété, une passion, et qu'elle se rend compte qu'elle est prisonnière de cette image de la muse, et qu'elle ne peut plus rien faire, parce que c'est ce que vous racontez, Zoé Valdez. Oui, raconter l'âme d'une rupture, c'est très difficile. Et puis, l'espèce de manque d'espoir, la désolation, l'isolement, c'est très difficile. C'est ça qui m'a... C'était mon défi de pouvoir raconter ça à travers elle, à travers l'œuvre qu'elle a fait après, aussi, avec sa peinture. Parce qu'elle était d'abord peintre, elle avait choisi la photographie, mais elle avait commencé par la peinture. Et elle a fini avec la peinture. Avec la peinture, elle a voulu finir... Avec la fin de sa vie, elle a voulu se dédier toute sa vie à la peinture, toute la fin de sa vie à la peinture. Et alors, de cette vie d'après Picasso, qu'est-ce que vous retenez de Dora Maar, Zoé Valdez? Son défi dans la solitude et son défi en tant que peintre. Ça m'a beaucoup touchée de vouloir... revenir à la peinture et de vouloir continuer avec son âme d'artiste, surtout. Mais elle-même, y compris en tant qu'artiste, elle se rend compte qu'elle ne peut pas se débarrasser de cette histoire, de ces 9 ans passés avec Picasso. Oui, jamais, jamais. Elle dit toujours, après Picasso, Dieu, et c'était ça. C'était aussi la religion qui l'a emporté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de Dora Maar, on a plus envie de voir ce qu'elle a fait avant sa rencontre avec Pablo Picasso. Oui, il y a eu une exposition, ça fait pas très longtemps, de ses dessins. Et c'est très étrange parce que on a parlé très très peu. Et ce sont des dessins merveilleux d'une solitude, d'une espèce de étrange espoir. Et dans ce roman, Zoé Valdez, avant de raconter cette solitude d'une femme abandonnée, d'une muse abandonnée, avant de choisir la fiction, une ville qui se prête à la fiction pour parler de ces sentiments-là, c'est-à-dire Venise, vous démarrez comme si c'était un reportage, c'est-à-dire on vous retrouve à Paris en train de discuter. Et c'est aussi votre regard sur le Paris d'aujourd'hui que vous lui livrez en filigrane. Oui, j'ai voulu m'impliquer, j'ai voulu être là, présente, et avoir ainsi de cette façon une relation avec elle à travers le temps. Et parler aussi de ce qui est la vie aujourd'hui entre les artistes, ce qui est aussi la vie d'une génération qui a quand même vécu la guerre et qui l'a vécu d'une façon très difficile et très ambiguë parfois, d'une façon complexe. Ça fait combien d'années que vous êtes en France, Zoé Valdès ? Ça fait déjà 20 ans. Et alors ? Qu'est-ce qui a changé dans votre relation à ce deuxième pays qu'est la France ? Moi, je crois que j'aime plus que tout maintenant la Havane. La Havane ? Oui. L'esprit ? Elle est dans mon rêve presque tous les jours. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup Paris, mais ma ville natale me manque beaucoup plus. La Havane ? Oui. Mais alors, dites-moi, cet été, il n'y a eu que des bonnes nouvelles qui nous venaient de la Havane. Oui. Et est-ce que toutes ces nouvelles vous ont donné envie de tenter un retour à la Havane, à Cuba, chez vous, Zoé Valdès ? Moi, j'aimerais bien retourner, mais c'est eux qui ne me laissent pas rentrer. Mais les problèmes, c'est toujours ça, c'est la liste noire où il y a toujours des artistes, des écrivains qui sont interdits. C'est toujours. Et vous êtes toujours en contact avec la société civile, les artistes, oui. Les écrivains de la Havane. Oui, oui, oui, oui, ça m'intéresse beaucoup et ça m'intéresse surtout de changer des expériences avec eux parce que il faut les informer aussi. Il faut leur dire aussi que le monde n'est pas non plus merveilleux. Mm-hmm. Parce que quand on est enfermé, quand on est isolé, on croit qu'on vit dans les pires et que le monde est merveilleux et le monde n'est pas merveilleux. Donc il faut aussi les informer. Quand j'ai vivais là-bas, j'étais très désinformée. J'avais une impression du monde qui était comme dans un film. Et ce n'est pas tout à fait comme ça. Zoé Valdès, votre actualité, c'est la sortie chez Artaud de ce beau livre qui parle de Dora Maar et qui a pour titre « La femme qui pleure ». Et pour terminer cet entretien ce matin, juste pour avoir votre humeur, trois questions à choisir dans cette boîte à questions, Zoé Valdès. Ici ? Oui, trois. Et vous allez répondre. C'est une nouvelle rubrique dans l'émission L'autre jour est possible. Première question. Quel temps fait-il dans votre tête ? Il fait un peu moche. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas très claire en ce moment. Je n'arrive pas à écrire ce que je veux et voudrais écrire et je suis un peu obscure dans ma tête. Le sujet est déjà choisi ? Oui, le sujet est déjà choisi. C'est la Havane, les années 40-50. Puis, c'est surtout une histoire de politique. Deuxième question, Zoé Valdès. Quel est pour vous le plus bel âge pour s'en aller ? 22 ans. Pourquoi ? Parce que c'est l'âge de ma fille qui vient de partir pour le Chili et elle est très contente là-bas et elle fait son expérience de solitude aussi et de rencontres avec d'autres gens et des rencontres avec son continent, avec l'Amérique latine. Et enfin, troisième question. Quelle est votre définition du bonheur, la lecture ? Quand on lit un livre qui est beau, qui est magnifique, on est vraiment dans le bonheur absolu. Et la dernière fois que vous avez rencontré ce bonheur, le bonheur de cette manière-là, c'était pour quel livre ? C'était un livre de James Salter qui s'appelle « La dernière nuit ». Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'a traduit en français. En espagnol, c'est « La última noche ». Et c'est un livre de nouvelles extraordinaires. Zoé Valdès sur France Culture dans l'autre jour possible. Merci d'être passé. Merci.